réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller en ce lundi 21 septembre avec Un autre jour est possible. Cette semaine, notre série évoquera la vie et l'œuvre d'un des savants français les plus connus dans le monde, Pasteur. On connaît bien sûr Pasteur, ses vaccins, ses travaux scientifiques, partout dans le monde, où des rues, des avenues, des lycées portent son nom. On connaît Pasteur, et depuis le sujet est même devenu un verbe, pasteuriser. Mais est-ce qu'on connaît pour autant Louis Pasteur, l'homme ? Notre tête chercheuse de la semaine, l'académicien Éric Orsenna, a enquêté sur la vie et l'œuvre de Monsieur Louis Pasteur, Pasteur ou l'extraordinaire explorateur de la vie, dans un instant, le premier épisode. Et puis aujourd'hui, France Culture est associée à une rencontre organisée par l'Association des dessinateurs de presse dans le monde, créée par Plantu, Cartooning for Peace, qui organise d'ailleurs aujourd'hui, avec le Conseil économique, social et environnemental au Palais d'Iéna à Paris, un colloque autour du dessin de presse dans tous ses états. Et comme c'est pas loin, tous les dessinateurs invités par ce colloque seront aussi nos invités et viendront participer à nos émissions et dessiner en direct. Dessin que vous pouvez retrouver au fur et à mesure sur le site franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est notre tête chercheuse de la semaine qui s'installe. Éric Orsenna, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Fayard, La vie, l'amour, la vie, un ouvrage sur Louis Pasteur. Ai-je besoin de rappeler que vous êtes académicien ? Peut-être pas, mais il est bon de préciser que vous occupez aujourd'hui à l'Académie française le fauteuil de Pasteur. Voilà comment l'homme des lettres va être amené à enquêter sur l'illustre homme des sciences. C'est parti de là ? C'est parti de là, parce que j'avais à ma droite, dans notre salle de travail à l'Académie française, un voisin immense, puisque c'était François Jacob. François Jacob, le prix Nobel de médecine, un grand pasteurien, comme on dit. Et il me disait, c'est quand même une honte que quelqu'un comme toi, économiste bas de gamme, qui ne connaît absolument rien à la biologie, occupe ce fauteuil prestigieux. Alors pour ta punition, il faudrait au moins que tu écrives une biographie sur Pasteur, parce que comme ça tu serais obligé d'apprendre quelques petites choses sur les microbes. Et ça vous a pris beaucoup de temps, cette enquête fouillée sur Pasteur, sa vie, son œuvre ? Alors, ça m'a pris beaucoup de temps. Ce qui m'a aidé, c'est que ma femme est médecin, donc elle m'a aidé beaucoup à travailler sur ces questions. Et puis, j'adore enquêter. J'adore enquêter à la fois dans les livres, à la fois en demandant ça et là un peu des renseignements précis, et puis en même temps aller sur les lieux. Parce que comme Pasteur aimait les lieux, c'est-à-dire... À chaque fois qu'on lui posait un grave problème de santé publique, par exemple une épidémie sur les vers à soie, eh bien il allait s'installer là-bas. Il allait s'installer à Alès avec sa famille et il travaillait sur place pour savoir comment ça se passait. Quand il y avait une épidémie sur des troupeaux, il allait voir les fermes. C'est tout sauf quelqu'un qui reste dans son laboratoire. Et c'est exactement ce que j'aime, évidemment, minuscule par rapport à lui, mais aller sur place, parce que je suis, au fond, un géographe, j'ai toujours l'impression que la vérité se cache dans les lieux. En tout cas, merci Éric Orsenna de jouer le rôle de passeur toute cette semaine dans Un autre jour est possible. Chercheuse, Éric Orsenna, pour la série Louis Pasteur, l'extraordinaire explorateur de la vie. Aujourd'hui, premier épisode, l'eau et la terre. On va parler de la terre, parce que Arbois, lieu de vie d'enfance de Louis Pasteur, c'est aussi, on l'apprend à travers votre ouvrage, Éric Orsenna, l'ancrage affectif de Pasteur, c'était très important pour lui. Alors, il est né à Dole, il est resté 2 ans et demi environ à Dole, où son père était tanneur. Tanneur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de préparer les peaux pour qu'on puisse les utiliser, à toutes sortes d'usages, les vêtements, les sacs, ce qu'on peut imaginer, mais il y a une relation directe avec l'eau, puisque pour traiter les peaux, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Donc, il s'est, après, il a déménagé de Dole, et puis il a essayé 2-3 petits villages, et puis il s'est installé à Arbois. Arbois, que je ne connaissais pas, est une petite ville du Jura, qui est connue pour 3 raisons. Première raison, Pasteur. Deuxième raison, le vin d'Arbois, magnifique. Et il y a concentré à Arbois des restaurants d'une immense qualité. Et il y a un chocolatier, il y a des gens spécialistes des poulards aux morilles, au vin d'Arbois. Donc c'est un endroit qui, moi, que j'ai adoré tout de suite. Et j'ai vu immédiatement la trace de Pasteur. Parce que son père s'était installé là, au bord de la rivière locale, qui est la rivière Cuisance, qui est une sorte de torrent qui traverse à grand remous, et avec 2 chutes d'eau, la petite ville d'Arbois. Donc il y a une sorte... L'eau fait théâtre. Et donc, il était là, au bord de l'eau, une grande maison. Cette grande maison qui a été reprise et agrandie par Pasteur, où il a fait son laboratoire d'été, puisque chaque année, au minimum 2 ans, durant toute sa vie, il est revenu. Et c'est là où il travaillait, il faisait venir ses collaborateurs, avec sa femme, sa famille. Il est venu là, il y a évidemment un collège, s'appelle le collège Pasteur, etc. Mais et comment donc, expliquer cet attachement? Je pense que, quand on est tellement dans l'inconnu, quand on est tellement dans le vertige de la découverte, on a besoin d'un point fixe. Regardez à quel point les écrivains, notamment les romanciers, ont besoin de maisons. Regardez les maisons de Victor Hugo. Regardez les maisons de Zola. Regardez les maisons de Flaubert. Regardez les maisons de Michel Tournier. Regardez ce lien très très étroit, précis, d'un Patrick Modiano. Donc, mais on pourrait se dire que pour les écrivains, c'est tout à fait normal. Il leur faut cette inspiration. Il faut qu'ils s'inspirent de la vie, des lieux, de la nature. Mais que pour les scientifiques, tout se déroule dans un laboratoire. Erreur. Non, parce que c'est un laboratoire, mais c'est un laboratoire qui est ancré. Puisque, quel est le projet de Pasteur? C'est de découvrir les mécanismes de la vie. Il faut savoir que vers 1850, quand il commence vraiment à travailler, enfin un petit peu avant, 1850, on en est encore à croire, enfin beaucoup de gens croient, à la génération spontanée. Ils pensent que quand vous mettez dans une boîte le linge d'une femme qui a été imbibée un peu par sa sueur au moment de l'accouchement, plus de 3 petites graines, vous attendez une petite 15aine de jours et après il y a une souris qui naît. Il faut savoir que vers 1840, avant l'arrivée de Claude Bernard et sa méthode expérimentale, on a des idées sur le fonctionnement du corps humain complètement magiques. On pense qu'il y a des forces. On pense qu'il y a des forces vitales qui engendrent. Et alors, Claude Bernard, très ami de Pasteur, et Pasteur lui-même, vont découvrir les mécanismes de la vie. Donc quand on est dans les mécanismes de la vie, on n'est pas du tout dans l'abstraction. Et encore une fois, quand on est face à l'inconnu, il faut s'appuyer sur le connu. Quand on est dans la révolution absolue de la science, on est dans le conservatisme social. Vous ne pouvez pas tout remettre en cause en même temps. Enfin, c'est comme ça que je l'explique. Il y a l'eau, très présent. Il y a bien sûr le vin. Est-ce qu'on peut parler d'un climat propice pour le savant Pasteur? Alors, j'imagine, mais je me mets à la place des gens. En tant que romancier, je ne sais pas trop qui je suis et je m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des autres. Donc, je suis une sorte de coucou, je m'installe dans la vie des autres. Je suis une sorte de parasite. Et donc, je m'imagine très facilement, petit Pasteur, courant derrière les pas de son père, tanneur, et donc il prépare les pots. Et donc il vit en bordure de l'eau, épouvantable, puisqu'on jette les entrailles, puisqu'on jette tout ce qu'on a gratté des pots, puisqu'on jette les poils, puisqu'on jette, etc., etc. Donc avec des pourritures permanentes. Donc on imagine, la vie est là, puisque ça fait partie de la suite de la mort, d'une certaine manière, et puis ou de ce qui précède la mort. Mais en même temps, ça sent très mauvais. Donc, on voit dès le début à la fois la fascination pour les mécanismes de la vie et puis la terreur des contagions, même s'il ne sait pas encore, bien sûr, quels sont les mécanismes à l'œuvre pour créer ces pourritures. Alors, on voit dès le début, et ce qui est très passionnant dans votre enquête, Eric Orsena, c'est que vous dites, il entend aussi, on entend un environnement et que ça l'a beaucoup aidé. Oui, parce que la rivière Cuisance qui traverse Arbois donc, est un torrent. Donc on entend le bruit de l'eau. Et moi, je suis très frappé, donc, ma femme, en géologue, regarde le parcours du sang dans les artères et les veines, à la fois par l'échographie, mais en même temps à l'oreille. C'est-à-dire que quand il y a un rétrécissement, elle l'entend. C'est pas du tout le même, le même flux que si l'artère est assez large. Et donc, tous ces mécanismes-là le plongent au sens strict dans les mécanismes même de la vie, en disant comment ça se passe. Et moi, je me mets tout à fait à sa place, parce que évidemment avec bien moins de capacité intellectuelle, mais ce qui m'a toujours nourri, poussé, obligé à aller au loin, c'est de répondre à la question comment ça marche. Et lui se pose la question avec obsession, comment ça marche la vie. Est-ce que cette question, il va se la poser très tôt dans sa vie? Autrement dit, Eric Orsena, à quoi ressemble la jeunesse et l'éducation de Louis Pasteur? Alors, il y a d'abord ses parents qui l'aiment tendrement, notamment son père qui joue un rôle plus important que sa mère. Son père est un ancien soldat de Napoléon. Il a participé à un certain nombre de campagnes et il vit dans la grandeur. Il vit dans le rêve nostalgique de l'empereur. C'est un des grognards. Donc il apprend à son fils, il éduque son fils dans cette idée de la grandeur de la France et dans les grands projets. Ça, c'est la première chose. Donc il a une ambition énorme. Mais il y a une scène qui m'a bouleversé, c'est que, se rendant compte que ce qu'il peut apprendre à Arbois, ce qu'il peut apprendre un peu plus loin à Besançon, n'est pas suffisant, on l'envoie vers 16 ans et demi à Paris. Au bout de 2 mois, son fils est tellement malheureux, traverse une vraie dépression, se sentant abandonné dans toute cette chaleur, exilé de cette chaleur qui fait une sorte de dépression. Son père, sans rien dire, va le chercher à Paris et le ramène, sans rien dire. Et Pasteur dira, et j'ai repris cette phrase que je trouve absolument bouleversante et qui s'applique à très peu de parents, il aimait plus son fils que l'ambition qu'il avait pour lui. Il avait pour son fils une ambition immense, mais il l'aimait de plus grande tendresse que cette ambition-là. Et ça, c'est magnifique. J'ai tellement de vues en bateau, parce que j'ai fait beaucoup de bateaux quasi professionnels, de voir des parents insupportables qui ont une ambition bien plus grande pour leurs enfants que l'ambition qu'ils ont pour eux. Donc ça, c'est ce climat de chaleur qu'il y aura. Et la famille de Pasteur joue un rôle absolument clé. Il y a un autre point très important dans la jeunesse de Pasteur, c'est sa passion du détail. Imaginez que dès l'âge de 12 ans, il se met au pastel, bien avant sa carrière scientifique. Il se met au pastel et les pastels demeurent. Et il fait le portrait de tous les alentours, de ses parents bien sûr, mais de ses oncles, de ses tantes, de tous les notables de la ville d'Arbois. Et ils sont, comme on dit, criants de vérité. C'est-à-dire que rien ne manque. C'est peut-être pas forcément d'un artiste, il n'y a pas de recréation, il n'y a pas une invention de regard, mais quel regard ! Mais quel regard ! Et puis brutalement, à 17 ans, c'est fini pour l'art, en tout cas la copie, et brutalement, il va plonger dans la science. Avec une sorte de concentration absolue de toutes ses forces, il dira, il répétera, « Chaque heure perdue pour le travail est une heure volée. » Eric Orsena, on se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à Louis Pasteur, l'extraordinaire explorateur de la vie. Merci et à demain. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Puis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la rue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait emporter de quoi pouvoir vous loter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait de jambonneaux. Ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau. Ma fille sans chocolat et ma soeur deux œufs sur le plat. Une chanson de cette époque-là, une chanson de 1886, en revenant de la revue. sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt Longchamp en foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup on crie, vive la France, crée Dieu, c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, et ma femme sur le dos d'un facteur, ma sœur comme les pompiers, acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains, quand défile les Saint-Cyriens, ma belle-mère pousse des cris, en reluquant l'Espagne. Moi je faisais qu'admirer notre brave général Boulanger. J'imagine mal Pasteur écoutant ce genre de chanson, Eric Orsenna. Mais peut-être que je me trompe. Non, c'était pas rigolo. Non, on le verra demain après-demain. Non, c'est pas rigolo, ça c'est clair. On l'imagine pas, encore une fois, se divertissant. On n'imagine pas. Mais en même temps, le thème de la revue, on est en 1886, ouais. C'est-à-dire on est 16 ans après la défaite de 70, et il n'y a jamais eu autant de patriotisme à ce moment-là. Alors quand on a été élevé par un grognard, imaginez ce que ça veut dire le patriotisme. Et si Pasteur dira sans arrêt que la science est universelle, il dit chaque savant, chaque chercheur d'un pays cherche pour la gloire de sa patrie elle-même. Donc il y a toute cette dimension tout à fait patriotique qui va le doper sans arrêt. Il y aura un duel avec Cor, le bacille de coq, c'est-à-dire l'allemand, et ils vont se faire une guerre pour essayer de qui va découvrir quoi. Et c'était une compétition farouche France-Allemagne, c'est-à-dire la science française contre la science allemande, avec des joutes incroyables devant 2000 personnes dans des congrès internationaux. Enfin, des grands moments, c'est du catch scientifique. Merci Eric Orsenna de nous parler de Louis Pasteur jusqu'à jeudi. Merci de vous réveiller de très bonne heure pour partager votre savoir, votre passion. Est-ce que vous êtes un lève-tôt, Eric Orsenna ? Alors je suis un lève-tôt, un lève très tôt même, puisque normalement je me lève à 5h du matin. Et donc, pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu envie d'écrire depuis l'âge de 10 ans. Donc avant toutes mes activités, depuis l'âge de 10 ans, j'ai écrit. C'est-à-dire avant d'aller à l'école, j'écrivais. Donc c'est comme ça que j'ai écrit 11 romans. Le 12e a été refusé, heureusement. Le 13e a été pris, très très faible succès. Et seulement le 17e a eu le Goncourt. Donc vous avez gardé les premiers. Hein. Non, ils sont jetés, ils étaient complètement nuls. Mais vous avez devant vous l'image même, levée tôt le matin, de l'obstination. Absence de don total et une obstination farouche. Faites comme Eric Orsenna, réveillez-vous de bon matin pour écouter Un autre jour est possible. Pour avoir votre humeur, Eric Orsenna, en ce lundi 21 septembre, trois questions à choisir à lire, et si vous avez de bonnes réponses, alors, on est preneur. Alors, aimeriez-vous changer de ville ? Mais je change sans arrêt de ville, parce que j'ai une base qui est Paris, une autre base qui est la Bretagne, et je dois circuler à peu près 4 mois par an. Donc en ce moment, je travaille sur les villes. Justement, parce que ce qui me passionne dans le mécanisme des villes, c'est un mécanisme assez semblable au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez la montée en puissance des villes et vous avez un déclin du pouvoir des États. Exactement comme au Moyen-Âge, vous aviez les grandes villes de foire et des États qui étaient exsangues parce qu'il y avait des guerres sans arrêt et puis ils n'avaient pas les moyens de lever l'impôt. Donc c'est très étonnant parce que vous avez les métropoles, vous avez 13, 14 métropoles en France, qui aspirent toute la vitalité du pays. Et puis le reste du pays, ils sont perdus. Et regardez par exemple une sorte de ce qu'on appelle la diagonale du désert ou la diagonale du vide. Quand vous prenez au nord-est les Ardennes et vous allez jusqu'au sud-ouest, c'est-à-dire le Pays Basque, vous n'avez aucune métropole et vous avez des problèmes énormes d'emploi, de vitalité, d'attractivité, de vie culturelle. Donc je suis passionné par la mécanisme des villes. Et François Mitterrand me disait, est-ce qu'on réussira à créer une civilisation urbaine ? Sinon, ce sera la barbarie. Deuxième question, Eric Orsenna ce matin sur France Culture, et toute la semaine pour nous raconter la vie et l'œuvre de Pasteur. Terminez la phrase suivante, la vie est belle mais, je barre le mais et j'arrête. Troisième et dernière question. Que lisez-vous en ce moment ? Eh bien je lis le livre de Delphine de Vigan qui est très très intéressant, parce que c'est une sorte de dissociation de personnalité, et ça explique magnifiquement à la fois le mécanisme de l'écriture, on est deux personnages en soi, et puis le mécanisme de l'écriture, de l'autobiographie et de la gestion de cette malédiction pour les familles d'avoir parmi eux un traître qui dit la vérité, en d'autres termes, un écrivain. On rappelle le titre de... Je me souviens plus. Parce que je me souviens jamais des titres. Je me souviens des livres, mais alors avec une précision absolue, et les titres s'en vont. Est-ce que c'est par plaisir ou par devoir, monsieur Éric Orsenna, vous qui êtes membre de tous les jurys littéraires prestigieux? L'avantage de l'âge, c'est que le plaisir l'emporte sur le devoir. Donc on devient gourmand absolument comme jamais. Et surtout, je pense qu'une bonne vie, c'est une vie libre. Et donc, j'ai ce privilège immense d'être libre. Libre parce que pas trop de problèmes financiers. Et libre parce que pour l'instant, je touche du bois, pas de problème de maladie qui, évidemment, emprisonne la vie. Merci beaucoup, Éric Orsenna. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et aujourd'hui a lieu à Paris un colloque sur le dessin de presse dans le monde. C'est initié par l'association Cartooning for Peace, l'association que Plantu a lancée au lendemain des attentats du 11 septembre à New York, avec Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, une association qui regroupe tous les dessinateurs de presse dans le monde, qui se battent bien sûr pour la liberté de la presse. Et tous ces dessinateurs vont venir nous rendre visite aujourd'hui à France Culture, et parmi eux, Slim. Slim, bonjour. Bonjour. Vous êtes encore à Alger, on va faire très vite pour que vous ne ratiez pas votre avion et que vous soyez présent au colloque cet après-midi au Palais Iéna. Vous êtes l'un des premiers dessinateurs de presse en Algérie. Est-ce qu'en un demi-siècle, vous avez vu des changements? Est-ce que les dessinateurs de presse en Algérie sont plus libres aujourd'hui qu'avant? Ah si, si, c'est incomparable. Hein. Quand j'ai démarré, il était impensable qu'un jour on voit un dessin de presse dans la presse quotidienne gouvernementale ou officielle, quoi. Et on avait tout juste droit à des espaces pour faire des petites BD comme ça, quoi. C'est tout. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire, tout représenter par le dessin de presse? Alors aujourd'hui, on a une très grande liberté, ça il faut le reconnaître, parce que actuellement, avec les réseaux, avec l'Internet, c'est devenu maintenant, l'Internet est plus dangereux que faire un dessin dans la presse quotidienne, parce que dans la presse quotidienne, il y a un contrôle, il y a une censure, on peut vous censurer un dessin, on peut écrire à votre place dans la bulle, mais bon, il y a quand même une grande liberté, il faut reconnaître. La dernière fois que vous avez été censuré, Slim, ça remonte à combien de temps, juste pour avoir un baromètre? Oh, moi, j'ai tellement été censuré, mais disons que celui qui censurait, c'était d'abord moi, hein, franchement. Parce que l'autocensure, donc, ouais. Oui, c'est l'autocensure, parce que je savais très bien que c'était un pays, il l'est toujours, c'est un pays autoritaire, où c'est très difficile de dire quoi que ce soit, alors que souvent, on rencontre des personnalités, des hommes qui sont dans le pouvoir, et qui disent, oui, il faut la liberté, etc. Mais bon, ça c'est des mots, dans la réalité c'est autre chose. Et pourtant, quand on voit vos dessins, ainsi que d'autres dessinateurs de presse, je pense notamment à Dilem, on a l'impression que quand vous utilisez la dérision en Algérie, vous avez plus de liberté que les journalistes, les intellectuels. Sans doute, parce que on a cette magie, c'est-à-dire que quelque part, c'est pas très sérieux, c'est-à-dire que ce sont des hiéroglyphes, on écrit en pharaon, c'est-à-dire on dessine et donc on écrit des bulles et des fois c'est pas très sérieux. Et puis en général, les gens ils prennent ça pour des trucs, des petits dessins, des petits Mickey, comme on appelle ici. Et mais parfois, les petits Mickey font mal. Alors, Céline, vous étiez très amie avec Volinsky. D'ailleurs, dans les années 90, durant la décennie noire, vous vous êtes réfugié quelques années en France. Vous avez été accueilli par votre ami Volinsky, qui vous a aussi ouvert les portes et les colonnes du quotidien L'Humanité. Et donc, ainsi, pendant quelques années, vous avez été le dessinateur de la dernière page du quotidien communiste français. Est-ce que vous gardez de bons souvenirs de cette période? Et est-ce que vous avez eu plus, autant ou moins de liberté que lorsque vous travaillez, par exemple, pour... Ah non, j'ai eu une très grande liberté, ça, il n'y a pas de doute. J'ai travaillé dans un très grand journal. D'ailleurs, je rends hommage à Claude Cabanne, que Georges Volinsky avait contacté. Et Claude m'a reçu dans le grand journal de l'Humanité et on m'a tout de suite donné les colonnes. J'en profite également aussi pour dire à Marie Volinsky et sa fille Elsa que j'ai pas pu les voir après ce malheur, mais que je compte les rencontrer peut-être quand je serai à Paris. Merci Slim. Alors vous racontez votre vie en ce moment et en toile de fond celle de l'Algérie post-indépendance, à raison d'une planche par semaine pour le quotidien Le Soir d'Algérie. C'est vraiment très drôle, très caustique, car vous en profitez pour raconter aussi comment vous avez pu détourner la censure de l'époque. Et un aperçu de votre travail, avec votre aimable autorisation, est à retrouver en lien à la page de l'émission Un autre jour est possible, en quelques 2-3 clics, pas plus, à partir du site franceculture.fr. Et également sur notre site, je vous recommande vivement le reportage multimédia Abdelhak El Idrissi sur le statut et l'humeur des dessinateurs de presse aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé depuis les attentats de janvier? Journée cartooning for peace. Au revoir Slim. J'espère que vous n'allez pas rater votre avion et qu'on va vous retrouver cet après-midi au Palais Iéna. La journée avec les dessinateurs de Cartooning for Peace sur France Culture est pilotée par Florent Latrive, notre délégué aux nouveaux médias. Bonjour Florent. Bonjour Toufik. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est une journée où il faudrait avoir et les yeux rivés sur notre écran et les oreilles grandes ouvertes pour écouter ce qui se dit. Oui, c'est une journée tout à fait particulière à laquelle nous convions les auditeurs et du coup les auditeurs internautes à l'occasion de ce colloque sur la liberté d'expression et le dessin de presse organisé à Paris. Donc toute la journée, dans la plupart des émissions de la chaîne, vous entendrez des dessinateurs, comme on a entendu Slim à l'instant même, et vous pourrez en parallèle voir leurs dessins sur le site franceculture.fr et les réseaux sociaux. Et on vient d'avoir le dessin de Slim. Et le dessin de Slim, qui va aller sur les réseaux sociaux directement, donc avec le hashtag Cartooning Peace, et puis sur le site de franceculture.fr. Et donc on aura un aperçu de tous les grands dessinateurs de presse du monde, du moins ceux qui appartiennent à l'association Cartooning for Peace. Oui, ils sont nombreux. Donc, on retrouve aujourd'hui Willis from Tunis, alias Nadia Kari, donc, qui a le chat chronique, la politique tunisienne depuis 2011, les premiers soubresauts du régime Ben Ali. Le belge et israélien Michel Kishka sera de la partie. Bien sûr, aussi, l'auteur de seconde génération. Exactement, le burkinabé Damien Glaise, etc. Ils seront nombreux. Toute la journée, France Culture sera une radio dessinée, en fait, c'est ça. Donc, la plupart des émissions seront croquées, les dessins seront publiés pour mettre en scène les sujets traités, l'ambiance des studios, etc., etc. Quelle chance, en plus, ils sont pas loin. Le colloque se tient à quelques mètres. C'est plus facile pour les allers-retours comme ça. Donc on les aura toute la journée entre Iéna et la maison de la radio. Merci beaucoup, Florent Latrive. Merci à vous.